Chapitre 275. L'interdiction de mettre en doute une filiation établie conformément à la loi. Allah Ta'ala dit: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate 33, verset 58. 1578. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: deux choses, chez les gens, sont de l'incroyance, du kufr. Mettre en doute la filiation d'une personne et se lamenter sur les morts. Muslim.